Rendez-vous à la guinguette. Obada d'oiseau, le morceau a été écrit par Michel Péguri et par Louis Michaud. Voici l'interprétation de Michel Pruvot. Et juste après, on retrouve notre accordéoniste de la semaine du rendez-vous à la guinguette, à savoir Michel Lécuyer et son orchestre. Rendez-vous à la guinguette. Avec Jeff. Et avec cette semaine, l'accordéoniste de la semaine du rendez-vous à la Gaguette, j'ai nommé Michel Lécuyer. Alors, il est originaire, ce garçon, d'Abbeville, dans la Somme. Il a commencé la pratique de l'accordéon en 1978. Il avait alors 10 ans et il avait assisté à un concert d'un groupe d'accordéonistes. Et le déclic est venu, il a eu envie d'en jouer et il a tout de suite, très rapidement, pris ses premiers cours de solfège. Durant l'étude de son instrument, il a participé à plusieurs concours, notamment de Coupe d'Europe et des finales à Paris, Rotterdam, Baden-Baden, Vichy, Bruxelles et Montreux en Suisse. Entre-temps, il a eu envie d'animer seul les repas des aînés, les bals, les danses en divers dans sa région. Notons qu'à l'époque, il n'a que 16 ans. Il vient de produire un nouvel album. Cet album s'appelle « Prends ton accordéon » et je vous propose d'écouter justement le titre qui ouvre cet album. Le titre éponyme, c'est « Prends ton accordéon, c'est une marche ». On se retrouve juste après pour connaître un peu plus Michel Lécuyer. We'll be right back. 30 en accordéon, le titre éponyme du dernier album en date de Michel Lécuyer, notre accordéoniste de la semaine du rendez-vous à la guinguette. Notons que Michel Lécuyer est également auteur-compositeur et membre de la SACEM depuis 1991. Et en 1991, justement, c'est la date, l'année où il a sorti son premier disque, un 45 tours, puisqu'à l'époque nous étions encore au vinyle. Ce 45 tours lui a donné sa chance pour sa première télévision, à l'époque sur France 2, dans la chanson chanson de Pascal Lassevran. Dans les années suivantes, évidemment, il a participé à d'autres enregistrements, à des compilations avec beaucoup de ses amis accordéonistes, pour ne citer que quelques-uns de ceux-ci. Il y avait Guy Denis, il y avait Zinzin, il y avait André Lop, il y avait Louis Ledrich. Et cette participation à ces enregistrements, ça lui a donné une nouvelle fois la chance de repasser dans l'émission de Pascal Lassevran sur France 2, aux côtés cette fois d'Aimable, avec qui il anima un gala à Fressenneville dans la Somme, et ça reste pour lui, il en est fier, ça reste pour lui un excellent souvenir. Allez, je vous propose un nouvel extrait de cet album Prends ton accordéon de Michel Lécuyer, ça s'appelle Le Made in Alsace et c'est à Madison. On ne peut pas citer évidemment ici tous les événements marquants de la carrière de Michel Lécuyer depuis 1991. Il s'est passé beaucoup de choses. Une chose importante dans sa carrière d'accordéoniste, c'est en 2007. Il a participé au film Les Williams. Ce film a été diffusé sur France 3 et c'était lui l'accordéoniste de l'orchestre. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'univers de Michel Michel Lécuyer. Eh bien, c'est très simple, puisqu'il a un site internet dans lequel tout est expliqué. Pour aller sur ce site, c'est très simple. Il suffit de taper www.michellecuyer, michellecuyer.com, et vous allez connaître l'univers complet de Michel Lécuyer. Je vous redonne toutes ses coordonnées juste après. Écoutez un nouvel extrait, une valse viennoise, un nouvel extrait de l'album le dernier en date de Michel Lécuyer. Ça s'appelle « Prends ton accordéon », c'est le titre de l'album. Le titre que nous allons écouter, c'est de Vienne à Mianet. À Mianet, une valse viennoise sur le dernier album en date, un album qui est sorti en mai 2017. Ça s'appelle Prends ton accordéon volume 1. Évidemment, ça veut dire qu'il y aura d'autres volumes pour notre plus grand plaisir. Cet album est sorti sous le label de Michel Lécuyer, à savoir Océane Musique Production. Je vous invite donc une nouvelle fois à retrouver l'univers de Michel Lécuyer sur le www.michellecuyer.e-monsite.com. Et je ne résiste pas au fait de vous passer un nouvel extrait de cet album « Prends ton accordéon » de Michel Lécuyer. C'est un tango cette fois, ça s'appelle « Pampero », alors amateur de tango en piste. Michel Lécuyer Pampero, un extrait de son dernier album en date, Prends ton accordéon. Pour conclure, eh bien, tous les amateurs d'accordéon connaissent la revue Accordéon et Accordéoniste. Michel Lécuyer a eu un portrait de lui signé Robert Briot dans ce magazine Accordéon et Accordéoniste. C'était en février 2016. C'était un ch'ti chez les Rital. C'est le titre de l'article. Rendez-vous à la guinguette avec Jeff. L'émission continue. La suite, évidemment, c'est avec Maurice l'Archange Guantanamera. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lien ni place, et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa vie. Sa maison de misère était plus blanche que le coton. Les rues de sable et de terre sentaient le rhum et le melon. Sous leurs jupes de dentelle, Dieu que les filles étaient belles. La terre, je n'en demandais pas tant. Quand j'ai passé la frontière, il n'y avait plus rien devant. J'allais d'escale en escale, loin de ma terre natale. Guantanamera, ma ville Guantanamera. bien dansé au Balapapa et c'était l'accordéon de Bruno Lorenzoni qui nous faisait danser justement au Balapapa. On va continuer avec la valse des As. Le morceau a été composé par Georges Jacques et en l'occurrence ici, c'est l'accordéon de Loulou Legrand qui nous fait tourner. A parcouru du chemin ce morceau Ciao Ciao Bambino le morceau était un fox, c'était écrit comme un foxtrot à l'origine par Domenico Modugno. Voici la version d'Achille Pellegrini. Thank you. Anne-Achille Pellegrini peut en cacher un autre. Un deuxième titre interprété par ce virtuose de l'accordéon, c'est Stranger in the Night, le morceau composé par Bert Kampert. Évidemment, un morceau qui a été immortalisé par de nombreux interprètes de talent. Celui dont on se souvient le plus, c'est sans doute Frank Sinatra, évidemment. Rendez-vous à la guinguette, votre émission accordéon. Et voici pour vous Alexis Labarrière, trompette en écho. Thank you. Une belle performance, donc signée Alexis Labarrière. Et pour fêter ça, ben Gilou, lui qu'on ne présente plus, nous emmène au petit bal de la marine. Et de manière absolument certaine, au bal de la marine, nous aurions pu croiser Joseph Colombo avec son accordéon, nous interprétant Cœur sentimental. Thank you. une envolée musette signée Daniel Collin. Vous écoutez Rendez-vous à la guinguette. Rendez-vous à la guinguette. Un extrait de l'album de Jean Ardoin, enregistré avec ses musiciens évidemment, qui s'appelait Mes années 70 et 80. Aussi parcourt régulièrement les routes de l'Hexagone pour vous faire danser avec ses musiciens, c'est Jean-Marc Herouer, voici Passorama. Et oui, il est arrivé l'heure de refermer les portes de la guinguette pour aujourd'hui. Bon, je pense quand même que pendant 2 heures, nous avons passé un agréable moment, vous et moi. Un moment en tout cas très diversifié sur les styles que nous avons écoutés. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur du monde et bien sûr, comme à l'accoutumée, vive l'accordéon! Votre émission accordéon.